Boum boum boum. Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Bienvenue sur Boum Momo pour une heure de musique française et curieuse. Et c'est Jonas qui vous accueille pour la simple et bonne raison que ce soir nous recevons Aimé Jocquet au platine pour une sélection 100% vinyle. Comme à chaque fois, vous connaissez le bail à Boum Momo, on va pas tricher. De temps en temps, on a passé des MP3, mais la plupart du temps, les trois quarts, 99% du temps, c'est du vinyle. Et donc ce soir, Aimé Jocquet vient nous proposer une sélection jazz spirituel, synth-pop et punk. Oui, oui, vous avez bien entendu. Vincent, enfin Aimé, va nous passer du punk. Je découvre ça en même temps que vous, les petits loups, pour cette émission un petit peu particulière enregistrée à droite et à gauche. Ici, je suis en direct de chez moi, pendant que Vincent est confiné chez lui. Et c'est bien déconfiné que cette émission vous arrive dans les oreilles. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse sans plus tarder avec Aimé Jocquet pour cette sélection. On est parti pour une petite heure. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, les petits loups. Ciao. Éclaté, tous les oiseaux sont envolés, ne pas revenir en arrière.

Je suis toujours couché au niveau du dallage. Il faudrait que je meure ou que j'aille à la plage. Il est déjà 7 heures. Probablement, ils dorment. Je sais qu'ils seront là si je sors de l'hôtel. Je sais qu'ils me verront et qu'ils auront des shorts. J'ai un schéma du cœur près de l'artère aorte. Le sang fait demi-tour. La journée sera belle. doucement qui me tient lieu de grâce. Je vois se dérouler des pelouses immobiles, des bâtiments bleutés et des plaisirs stériles. Je suis le chien blessé, le technicien de surface. Et je suis la bouée qui soutient l'enfant mort. Les chaussures délacées, craquelées de soleil. Je suis l'étoile obscure, le moment du réveil. Je suis l'instant présent. Je suis le vent du nord. front sur la brèche. Pétrissant sa salle sur le fer de son bus, laissez couler ses mots totalement inconnus. Moi j'ai la lettre humide, je sais la science, je perds au fond d'un lit d'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants, je fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace pour qui me voit nu et sans voilet, la lune, le soleil, les ciels et les étoiles. Je suis mon cher savant, si docte vous l'écoutez, lorsque j'étouffe un homme à mes grands volontés, ou lorsque j'abandonne en mon fibre, mon fils. Timide et libertine, et fragile et robuste, que sur ce matelas qui se parle des noix, les anges indécents d'un air et pour moi. Quand des lues de mes yeux sucent de la moelle, et que l'envie s'arrange, je me tournais vers elle, pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une houte au flanc bruant. Toutes pleines de feu. Je fermais les deux yeux de mon froid dégoûtant. Et quand je vais mourir à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait une vision de sang, tremblement, profusément des débris de squelette qui de même inventaient le cri d'une girouette, d'une enseigne, et de que balance le vent. We'll be right back.

chez toi, prends l'air. Je vais sur la montagne. J'suis